Join me on RIG. Oh, la narcisse, c'est un contre-jour de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus. Entre 20h et 22h, c'est la radio des Beatles, mais entre 22h et minuit, c'est la radio de Johnny. Ce sera pour tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère que nous allons bien nous amuser ce soir, parce que ce soir, il y a du bon, il y a du beau, il y a du beau monde. Il y a les Beatles d'abord. L'album de la semaine, c'est Revolver, sorti en 1966. On écoutera Taxman, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, Here, There and Everywhere, forcément. Got to get you into my life et Tomorrow Never Knows. Je sais, vous allez me dire, oui, mais il en manque. Oui, mais on a seulement 6 extraits à chaque fois de l'album de la semaine. Et donc, eh bien, vous avez le droit à ça ce soir. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, par exemple, Little Woman Love, que vous pouvez retrouver maintenant sur l'album Red Rose Speedway de 1973, mais sur la remasterisation de l'album. Auparavant, il n'était pas dessus. Il y aura également Mind Games sur l'album du même nom, Mind Games pour John Lennon en 1973. Je vous proposerai une chanson rare, une reprise de Bob Dylan, Abandoned Love, par George Harrison. Quant à Ringo Starr, ce sera sous la houlette et grâce à George Harrison, photographe sur l'album Ringo en 1973. Ringo qui avait dit, lors du concert pour George, en hommage à George, qui avait dit « Je ne peux plus chanter cette chanson photographe avec les mêmes idées qu'à l'époque en 1973, puisque là il parlait donc d'une femme qu'il avait quittée et quand il regardait la photo ça lui faisait de la peine. Et bien là, comme il l'avait écrite avec George Harrison, lorsqu'il chante cette chanson il pense à son pote George, et c'est très bien comme ça. Voilà, pour le reste, eh bien, vous verrez bien, je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. La Saga des Fab Four, c'est très facile, c'est le post qui est tout en haut. C'est exprès, c'est comme ça. Et puis on va passer, j'allais dire pour le reste, mais je l'ai déjà dit. Je peux le couper au montage, mais je peux le laisser aussi. C'est bien de montrer qu'on fait des erreurs de temps à autre. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. A tout de suite, le générique se termine. Et dans quelques secondes, on ouvre avec Les Impôts. 1966, première chanson de l'album Taxman. Chanson écrite par George Harrison pour les Beatles. Bonne soirée à vous toutes et tous. 1, 2, 3, 4 1, 2 Let me tell you how it will be. There's 1 for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah. Taxman. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the taxman. Yeah, I'm the taxman. If you drive a car, if you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Taxman. Yeah, I'm Revolver, avec son évolution significative du son des Beatles, symbolise la fin d'une époque. Après cet album, toute leur musique sera ciselée en studio sans qu'ils se soucient désormais de la possibilité de la reproduire sur scène. Il faut dire qu'à l'époque, c'était assez rudimentaire sur scène. On pouvait faire ce qui était faisable avec du monde, mais pas avec des synthés, de ceci, de cela. C'est normal, c'est normal. Sous l'influence du mouvement hippie américain et des milieux artistiques d'avant-garde anglais, ils se mirent à écrire pour un nouveau public. Le contact avec la scène underground et l'effet des drogues psychédéliques transformèrent leur perception d'eux-mêmes et de leur musique. Revolver débordait d'idées neuves. La diversité est devenue la matière première du rock'n'roll, mais à l'époque, ce disque défiait les conventions de la musique pop. Revolver permit non seulement d'introduire des nouveaux styles, allant des comptines à des mélanges psychédéliques de bandes en boucle, mais présentait également une incroyable diversité de sujets de chansons, les impôts, le bouddhisme tibétain, les médecins en infraction avec la loi, les vieilles filles solitaires, le sommeil, les sous-marins et le soleil. Pourtant, malgré son aspect expérimental, Revolver restait un album accessible. Eleanor Rigby, For No One, Here, There and Everywhere étaient trois des plus belles chansons jamais composées par Paul et furent aussi parmi les plus populaires. Taxman et I Want to Tell You étaient des superbes compositions de George et les séquences oniriques de John, Among the Sleeping et She Said étaient tout à fait représentatives de l'état d'esprit de l'époque. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet album, par exemple. Anton mûrissait, plus il se tournait vers les livres pour trouver la connaissance à laquelle il aspirait. Le cri primal de Djanov avait déclenché chez lui un tel enthousiasme qu'il en avait tiré un album entier. La chanson-titre de cet album, Mind Games, reprend elle-même le titre d'un livre, un manifeste de psychologie de Robert Masters et Jean Houston, probablement, qui exploite le thème post-hippie de l'élévation de la conscience. Après la relative âpreté de Sometime in New York City, ça c'est gentil de dire ça, parce que c'est plutôt mauvais comme album, Mind Games offre un Lennon plus méditatif, les guitares étant mixées avec une richesse quasi orchestrale qui nous ramène presque sur les terres d'Imagine. Et le territoire se fait réellement familier lorsque John prône une projection universelle de la puissance de l'amour. Si Mind Games fut l'une des compositions tardives les plus populaires de Lennon, il n'est pas pour autant absurde de supposer que si la chanson avait été restée sur l'idée première, elle aurait été encore meilleure. Il l'avait appelée « Make Love, Not War ». Faites l'amour, pas la guerre. C'est le refrain original, il en reste une trace à la fin de la chanson, vous l'avez entendu, lorsque John chante « I want you to make love, not war » au lieu de dire « Mind Games Forever ». Il en avait abandonné l'idée, se disant qu'en 73, ce slogan avait son heure de gloire derrière lui et que les gens le considéraient comme un cliché. Lorsqu'il le chante enfin, il ajoute immédiatement « Je sais, vous avez déjà entendu ça ». Mais cliché ou non, « Make love, not war » aurait peut-être eu plus d'impact. Cette phrase a en tout cas une autre puissance émotive que le jargon psychologique qui l'a remplacé. John aimait dire que son refrain « Love is the answer », etc. était d'inspiration reggae, même si ni lui ni ses musiciens ne jouaient dans ce style à l'époque. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson sur R.I.G. Reprise de Dylan par George Harrison, « Abandon Love » sur R.I.G. By the clown inside of me, I thought that he was righteous, but he's vain. Oh, something's telling me I was the boring thing. Patron saint is a fighting to the ghost. He's always off somewhere when I need him most. Spanish moon is rising on the hill. My heart is telling me that I love you still. Come back to the town from the flaming moon. I see you in the streets, I begin to swoon. I love to see you dressed before the world. Yeah.

saga de Ferme Fort, c'est uniquement sur RIG 90.7. Il est très fréquent que les sujets de discussion sur le groupe La Saga des Fab Four m'inspirent pour la programmation d'une saga. Et entre mercredi dernier et puis le moment où j'ai préparé la saga, on a parlé de Free as a Bird, Real Love et tout ça. On a parlé de qu'est-ce qu'auraient pu faire les Beatles s'ils avaient été ensemble tous, je parle y compris John Lennon, en 1995 pour l'apparition des anthologies. Ça aurait certainement donné un album, probablement un seul album, puisque Paul McCartney n'avait absolument pas besoin du groupe Les Beatles. George Harrison, on peut dire, n'aurait pas, sûrement pas eu envie de se re-enfermer dans Les Beatles. John Lennon, on ne peut pas savoir, puisqu'il s'est arrêté malheureusement en 1980, mais on peut supposer qu'il aurait peut-être arrêté un moment de chanter, parce qu'il aurait peut-être moins envie que Paul, mais qu'il s'y serait remis, et puis qu'il aurait fait des trucs super bien, donc il n'aurait pas eu besoin non plus des Beatles. Et quant à Ringo Starr, lui, il est toujours d'accord avec tout le monde, et ça lui aurait certainement plu de refaire un tour avec les amis, les Beatles. Bref, on ne sait pas, mais on peut toujours écouter Free as a Bird, c'est maintenant sur RIG dans la saga des Fab Four. Montez le son, écoutez au casque, c'est merveilleux. pur style des Beatles de l'année 1969, avec en plus la slide guitare de George Harrison qu'il a mise en œuvre après les Beatles à partir des années 70. Bien, revenons à l'album de la semaine, l'album Revolver, sorti en 1966. La première version des paroles de I'm Only Sleeping par John furent griffonnées sur le dos d'une lettre de rappel des postes et télécommunications britanniques datée du 25 mars 66, lui réclamant le paiement d'une facture de radiotéléphone d'un montant de 12 livres et 3 shillings. Il est évident à la lecture de cette version que John parlait des joies du fait de rester au lit et non pas des rêves induits par des substances hallucinogènes qu'évoque l'enregistrement final de donc I'm Only Sleeping avec ses effets de guitare à l'envers. John adorait son lit. Quand il ne dormait pas, il s'y allongeait ou s'y asseyait en s'adossant sur une confortable pile d'oreiller pour écrire ou regarder la télé. I'm Only Sleeping célèbre le lit et sa valeur en tant qu'endroit privilégié pour la contemplation. Elle préfigurait également la chanson Watching the Wheels sur l'album Double Fantasy. Mais I'm Only Sleeping rappelle aussi que John perdait son ascendant sur les Beatles, passant la plus grande partie de son temps au lit ou à traînasser à Kenwood. Là, je mets un bémol quand même, parce que les Beatles sortaient pratiquement deux albums par an, tout le temps, plus des 45 tours qui n'étaient pas sur les albums, plus, bon là, en 66, ils avaient arrêté les tournées à partir du mois d'août, mais quand même, ils avaient eu le temps de faire des films, des ceci, des cela, donc, lorsque John dit qu'il aimait paraisser au lit, à mon avis, il paraissait pas trop longtemps. Bon, on reprend. C'était Paul, maintenant, qui poussait à la roue et s'assurait que tout le monde serait en studio pour les séances d'enregistrement. C'est également en mars 1966 que fut publiée dans l'Evening Standard la célèbre interview accordée à Maureen Cleave dans laquelle John déclara « Nous sommes plus célèbres que Jésus. Maintenant, je ne sais pas qui de la chrétienté ou du rock'n'roll disparaîtra le premier. » Maureen Cleave notait également toujours dans la même interview « Il peut dormir presque indéfiniment. C'est probablement l'homme le plus paresseux d'Angleterre. Physiquement paresseux, répondit-il. Je n'ai pas réellement besoin d'écrire ou de lire ou de parler ou de regarder quoi que ce soit. » Et le sexe est la seule activité physique qui m'intéresse encore. Eh ben dis donc, on écoute la chanson sur RG. See you.

Bono, oui, j'ai bien prononcé ce nom, avait dit que John avait prévu pour cette chanson-là, qu'il n'a pas eu le temps de terminer, un orchestre comme vous l'entendez à l'instant. C'est George Martin qui a donné un dernier coup de main pour parachever cette chanson. La chanson a l'air d'être un petit peu rudimentaire parce que à l'époque, c'était une démo simplement avec une boîte rythmique, ce que vous entendez, et la voix de John. Mais le résultat est quand même drôlement sympathique. C'est dommage qu'il n'ait pas eu le temps de terminer cette chanson. On retrouve John avec les Beatles sur Real Love sur RIG. Inside me, can't hypnotize me. What you done to me, babe? You drive me out of my sunset. Ooh-wee. She looks just like the new Jean Harlow. The sultry lips and long blonde hair. They say she came from Hades. Or was it the Euphrates that brought my lady here? Ooh-wee, baby. Ooh-wee, baby. Friends don't understand me. They say you underhand me. What you done to me? Bonne chanson de Ringo Starr, extrait de l'album Goodnight Vienna, sorti en 1974. Quelques années auparavant, nous étions sur l'album Revolver, l'album de la semaine de la saga des Fab Four de ce soir. Avec cette chanson, ses rapports avec Jane Asher étant de à nouveau au beau fixe, Paul composa ce qui est généralement considéré comme sa plus belle chanson d'amour. Avez-vous deviné ? Tant que John que Paul déclarèrent que c'était l'une de leurs chansons favorites. Paul la réenregistra même bien plus tard, en 1984, pour son film Give My Regards to Broad Street. Paul composa Here, There and Everywhere, puisqu'il s'agit de celle-là, en juin 1966, assis au bord de la piscine de la maison de John. Il venait de découvrir le nouvel album des Beach Boys, Pet Sounds, qu'il avait impressionné par sa complexité musicale et l'inventivité de ses harmonies vocales. Il voulut composer quelque chose qui reflèterait la même ambiance. Voici la chanson « Here, There and Everywhere » de la grâce, du génie. C'est du Paul McCartney sur RIG.

watch them grow. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Rubber Soul, Norwegian Wood, à l'instant sur RIG. Dans quelques minutes déjà, qu'est-ce que ça passe vite, il y aura Johnny de A à Z en live avec l'incomparable Eric. Mais pour l'instant, il nous reste à peu près 25 minutes ensemble, l'occasion d'écouter le troisième titre, celui qui aurait dû sortir et qui est sorti discrètement grâce à une fuite peut-être de l'équipe de McCartney, paraît-il. Voici Now and Then sur RIG. Ça aurait pu sortir comme ça, c'est très très bien. ready? Okay. You ready? Okay. You ready? Yes, indeed. Go for it. Okay. Parce que dans quelques minutes, ce sera Johnny de A à Z. Voici le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Revolver. Moi, j'avais envie de faire comme ça. Avec ce titre, Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, c'est une phrase qu'aurait prononcée Ringo et que, comme ça, il lui arrivait de dire des choses du genre Hot Days Night. Oh, tiens, on va le garder pour une chanson. Tomorrow Never Knows. Oh, ouais, super, voilà. Ben, quand tu veux, Ringo. Voici la chanson sur RG. Vous imaginez le casse-tête de George Martin. Je veux que ma voix sonne comme si j'étais en haut de l'Himalaya. Ben ouais, on y va, allez. Thank you. dance at the discotheque. That's why he looks at you red. Your face is pale, you look torn. Your paws are dirty and torn. You've got the look in your eyes that says you have the line and you're lost inside. Meanwhile, you're back in your cage. You got out on the stage with the unconsciousness rules. Got yourself in fine. You don't know how to unwind. Your sense is unsatisfied. Take you along on the ride. You got a way and a stance that says you dance the hands off of everyone. Then you go back on the floor. Got to get through the door. Nothing can stand in your way. Jean-Jean Reston, something sur RG. Now quelques minutes, j'ai changé la programmation pour coller à l'actualité. Elizabeth Reigns, Ringo Starr sur RG. Help me, Captain, help me. Dans quasi une dernière avant la fin de cette saga des Fab Four, déjà, qu'est-ce que ça passe vite. Tout à l'heure, ce sera Eric et Johnny de A à Z en live. There goes me knighthood. On finit avec une boisson, free drinks pour tout le monde sur RG. Down in 2 hours I'll be there. écouté cette édition de la saga des Fab Four. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres aventures. À très très bientôt. Regardez l'heure, je suis à l'heure. Bisous filles, prenez-moi au garçon tout de suite. Eric pour le fantastique Johnny en live.